sur le temps. Depuis son accident, elle est pas con avant. Silence et silence, qui câble ses chaises. Sans mi fudigosi, dessine la peste. C'est vrai pour l'hypoyenne, pas fait bon geste. Ça arrivait souvent, les rend détresse. Ça démoralisant. Dis-moi la yoye, l'eau est plaira qu'à manquer de l'eau. Con amor.